Bon, nous recevons tout d'abord Marie-Claude et Fabrice, qui sont les deux animateurs du Conseil municipal des jeunes. Bonjour, donc moi, Marie-Claude Rabas, je suis donc une habitante de Lion-sur-Mer, élue à la mairie. Je suis déléguée au CMJ. Je m'occupe donc avec Fabrice, ici présent, des jeunes conseillers municipaux qui ont suivi tout un processus d'élection de la même façon que les plus grands, on va dire. Donc on essaie de les associer à la vie du village et ça nous apporte beaucoup de satisfaction. Voilà, donc Fabrice Massot, donc moi je suis lyonnais, je suis également conseiller municipal à la mairie de Lyon, et donc j'assiste ou j'aide Marie-Claude sur le CMJ. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte d'accompagner comme ça ces jeunes dans un cadre qui calque un peu la vie démocratique des adultes? Eh ben, en fait, c'était une aspiration personnelle, une inclinaison naturelle, je dirais, vers les jeunes. Moi, j'aime beaucoup les jeunes. J'avais envie de donner du temps pour cela. Et quoi de mieux que le cadre du conseil municipal, puisque on bénéficie de moyens, on bénéficie d'un cadre. Et on a repris, nous, puisqu'on a été élus le 15 mars 2020. On a repris donc une équipe qui était déjà en place, hein. On a 11 conseillers et on a repris aussi des projets en cours et ça nous a permis aussi d'élaborer de nouvelles choses, de nouveaux projets, contrariés par le Covid bien sûr, mais il nous tarde de pouvoir faire vivre tout ça. Bien, ben, nous allons à présent écouter les jeunes conseillers qui ont plein de choses à nous dire. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Aramis qui va nous parler de sa passion pour les rétro gaming. Alors je dois avouer, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors c'est quoi Aramis, le rétro? Bonjour, moi j'aime bien faire du rétro gaming. Le rétro gaming ça consiste à jouer à des vieux jeux ou à les collectionner. Par exemple, il y a de nombreux types de jeux, les jeux de plateforme, les RPG, les... Non, attends, attends. Non mais, oui non mais... Attends, parce que là, tu parles chinois pour moi. Les jeux de plateforme, je vois à peu près. Les RPG, je vois pas du tout. Replay. C'est un jeu d'aventure, on peut dire. Je sais pas comment expliquer ça. Vas-y, vas-y, explique comment. C'est où est-ce qu'on prend possession de la personne, enfin du bonhomme Du dans le personnage? jeu, et que on parcourt l'aventure avec lui. D'accord. D'accord. Et des consoles de salon et micro-ordinateurs. D'accord. Tu sais ce que c'est que des micro-ordinateurs? Ah oui, quand même, je suis pas arrivé à ce point-là quand même. Non. Si, imaginons que la plupart des gens ils me disent à quoi ça sert. Oui. Oui, moi je leur réponds, ça sert à redécouvrir de vieux jeux avec leur fonctionnement et leur graphisme. Parce qu'il y a des jeux, ils sont magnifiques, donc c'est pour ça qu'on les redécouvre aujourd'hui. Même avec leur gameplay qui sont originales, comme celui de la Wii avec Oui, je connais, oui, avec les on peut faire du tennis ou Oui, de. c'est ça, c'est un gameplay qui est original. Aussi, il y a aussi la vue FPS, c'est la première personne. Enfin, c'est comme nous, on voit Ah, normalement. d'accord. Oui, alors. Ah, c'est un peu pour tout type d'âge. D'accord. En général, les parents, ils donnent la console qu'ils avaient à leurs enfants quand ils étaient petits. Donc à ce moment-là, on peut dire qu'ils font quand même un peu de rétro gaming, mais voilà. Parce que c'est la génération précédente D'accord. des Et consoles. est-ce que tu as des exemples de jeux Oui, des jeux ou des consoles? des consoles, des noms, je sais pas moi. Il y a la NES. Il y a la Mega Drive, la Master System, Non. l'Atari Des 2600. jeux anciens, c'est ça? Ou Non, si je... là, j'ai cité des consoles. Des consoles, mais des exemples de jeux, je sais pas, il y a Pac-Man, des Oui, choses il y comme a ça. Pac-Man, il y a Sonic, il y a Mario. Sur la Super NES, il y a eu le tout premier Mario Kart. Ah oui. Il y a eu Donkey Kong, enfin Donkey Kong Country. C'est un. Enfin, c'est une autre histoire. Comme ça, tu peux jouer avec tes parents ou tes grands-parents, alors ils connaissent. Oui, ils connaissent. Enfin, mais. Non, Enfin, c'est pas leur truc, enfin, ça. oui, mais après, il y a certains parents, ils n'aiment pas la 3D, donc ça Ah leur oui. fait mal aux yeux, enfin, au ventre et aux yeux. C'est un peu vrai. C'est dommage. Mieux. Parce qu'il y a plein de nouveaux mécanismes. Après, c'est tout. Je viens d'expliquer ce que c'est que le rétro gaming. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans ces jeux-là? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que c'est comme sentiment? Combien d'heures tu passes par jour? Trop? Oui, sûrement. J'en fais un peu. Dès que j'ai un peu de temps libre, j'en fais un peu pour D'accord. avancer dans une aventure ou dans un mini-jeu. Et tu ressens quoi? Tu vis quoi là quand tu fais ces jeux-là? C'est quoi? Il faut un peu se remettre dans le contexte qu'avant, qu'il n'y avait pas la 3D, qu'on savait pas ce que c'était. Donc on essaie de se mettre dans la peau des gens qui étaient dans cette époque avec eux. D'accord, tu te mets dans la peau Oui. pour vivre des aventures en fait. Parce que t'en vis pas dans la vraie vie des aventures. Ah si, c'est de tous les jours. Et qu'est-ce que tu préfères dans ces jeux rétro par rapport aux jeux modernes? Des fois il y a des. Enfin, comment dire? Nous, on ne connaît pas. Alors, tu essaies Oui. d'utiliser des mots. Simplement, tu expliques. Il y a de nouveaux mécanismes. Ah, Enfin, oui. quand par exemple, si. Par exemple, avant la Wii, il y avait la Oui. Oui. GameCube. Enfin, vous connaissez peut-être pas. Et avant, tout le monde disait qu'il n'y avait que les manettes, ça ne pourrait pas remplacer. Donc, Oui. avec la Wii, il y a eu le Le mouvement. mouvement, le Oui, geste. Ouais. donc c'est pour ça. Ouais. D'accord. Et au fur et à mesure du temps, il y a des nouveaux gadgets qui apparaissent sur les consoles. Par exemple, le tactile, le stick analogique, c'est qui apparaît sur la Nintendo 64 et après sur la Saturn. Ah, on voit On que tu es voit que un tu t'y connais. spécialiste. Oui. Voilà. Donc en fait, le rapport avec le jeu, tu as plus de choses manuelles Oui. à faire avec tes mains, en fait. C'est ce qui te Bah plaît? oui, parce que, enfin, ouais, non, mais aussi, c'est parcourir des grandes aventures que, oui, Ah. à l'époque, on prenait pas par la main, on se lâchait dans une aventure, enfin, on t'expliquait ce qui se passait et on te Oui. laissait de te débrouiller. Débrouiller. Que maintenant, on te donne directement la réponse. D'accord. Enfin, c'est plus facile. D'accord. D'accord. D'accord. Je Bien. crois que je vais me mettre au rétro gaming. C'est Ça me bien paraît ça. bien. Est-ce qu'il y en a Sinon. beaucoup de jeunes comme toi qui se. Je pense pas qu'il y en ait énormément, mais moi j'aime bien ça. Ah oui. Ça, Ça a un oui, prix, ça ça a un coût? va. Oui, ça va. Ouais, c'est pas toi qui paye, de toute Non, façon. non, mais. Non, mais la plupart du temps, comme je l'ai dit, c'est les parents qui donnent les consoles, donc c'est Oui, quand même du rétro ça se gaming. transmet. Oui, Bah ça oui, transmet des oui, générations. bien sûr. Bien, sinon, il y a d'autres choses que tu avais envie de dire? J'avais un sujet du jour. Eh ben, vas-y. Oui. C'est la première génération de consoles. Je vais faire une intro. Oui. Oui. Parlons rétro gaming, parlons première génération. Déjà, dans la première génération, il y a deux consoles qui sont face. On a la Color TV Game produite par Nintendo versus la Maniabox Odyssey de Maniavox. Bon, d'accord. Commençons par la Color TV Game. Elle sort en 1977 au Japon pour le prix de 9 800 yens, ce qui fait environ 76 francs. Ensuite, Maniavox Odyssey, elle sort en 1972 en Amérique pour 100 $, ce qui fait environ 82 euros actuellement. Donc déjà, on peut donner un premier point à la Color TV Game qui a un prix nettement plus abordable. Et après, il y a aussi la Maniavox qui est sortie quand même en avant, qui a pu avoir des ventes un peu plus favorables. D'accord. Maintenant, voyons s'il y a beaucoup de jeux d'exclusivité sur les jeux. Non. Il n'y a que un jeu pont, on peut dire, soit avec un jeu pont, je vous explique, hein. Oui. C'est, Oui, il je y a deux crois. raquettes de chaque côté en 2D, et il y a une petite balle qui va Ah ouais, de deux j'y jouais raquettes. moi quand j'étais plus jeune. Oui, et souvent il y a soit plusieurs raquettes ou que deux, parce que c'est ce qui était le plus sympa à faire comme jeu vidéo et on ne savait pas programmer à l'époque. Et pour finir, à combien d'exemplaires ça s'est vendu? Bon bah pour l'Odyssée c'est la Mania Box, hein. Elle s'est vendue à 350 000 exemplaires. La Color TV Game est vendue à 4 millions d'exemplaires, qui écrase beaucoup plus l'Odyssée. Donc le grand vainqueur de cette Color TV Game est, enfin de, oula, le grand vainqueur de ce combat de la première génération est la Color TV Game avec 2 points et la Mania Box avec 1 point seulement. D'accord. Bon, ben on voit que tu es intarissable sur ce sujet. Tu as l'air d'être un spécialiste. Et tu joues pas du tout aux Ah jeux si, modernes quand mais si, si même, quand même. en ligne? Est-ce que tu joues en Bah, ligne? oui, Ouais. c'est sympa. Hein. Après, Oui, non, après. il n'y a pas de Il n'y a pas de après. Après, il faut voir les nouveaux systèmes de jeu parce que maintenant ça se renouvelle en fait. Oui, puis c'est Oui. beaucoup plus élaboré Oui. maintenant. Ben, bravo, jeune homme, hein, parce que pour une première, pour passer à la radio, pour une première fois à la radio Bigorneau, tu t'es drôlement bien débrouillé, hein. Merci. C'est bon, tu as dit ce que tu voulais Oui, dire. oui. Moi, j'ai juste envie de te poser une petite question Allez. sur le CMJ, le centre C'est municipal, quoi déjà? le conseil municipal des jeunes. Qu'est-ce que ça t'apporte d'en faire partie? Comment tu vis ça? Bah, vu que je fais la partie du samedi, bah, je peux dire ce que pensent les jeunes à la mairie, hein, de Lyon, ce D'accord. qu'il y a dans Lyon-sur-Mer. Bah, c'est voilà. Et qu'est-ce que vous mettez en place des projets? Bon, je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais. Oui, on met en place des projets, on met le parc de la mairie. Il y avait Halloween qui était prévu, mais Oui, bon, ça n'a mais pas pu avoir lieu. oui. Oui, sauf que ça, c'est pas mon sujet. Ah bah, c'est ça, quand on passe à la radio, c'est moi qui décide des questions. Oui, parce que c'est le groupe. Donc, Pardon. nous venons d'entendre Aramis qui nous a parlé du rétro gaming, maintenant je sais ce que c'est, et qui fait partie du conseil municipal des jeunes depuis cette année seulement. Non, l'année dernière. L'année dernière, tu y étais déjà. Bien, ben, merci beaucoup Aramis. Et Merci puis, Aramis. bienvenue quand tu veux, toi et tes camarades du conseil municipal des jeunes. Si vous avez des choses encore à dire à la radio, n'hésitez pas, la radio est là pour ça. Merci. Au revoir. Débrouillez.